Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, « Croyez en moi et en mon messager, Jésus », ils dirent, « Nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis ».